Bonsoir. Je vous remercie d'être venus si nombreux à ce débat, table ronde, sur le thème High Tech, No Rights. Bon, c'est en anglais, mais je pense que tout le monde aura compris qu'il s'agit de faire le point sur les conditions de travail dans l'industrie des ordinateurs. Mais enfin, on sait que l'anglais est la langue internationale par excellence. D'ailleurs, une partie de nos orateurs ce soir vont parler anglais. Donc, pour tous ceux qui ont pris un petit appareil de traduction, que vous sachiez que le canal 1 est français et que le canal 2 est en anglais. Donc, voilà. J'espère que tout le monde a ce petit appareil. En tout cas, tous ceux qui en ont besoin. Donc, pourquoi l'action de Carême et Paimpol Prochain a lancé cette campagne? Parce que tout le monde a un ordinateur, tout le monde ou presque. Et qu'on ne sait pas toujours dans quelles conditions ces ordinateurs sont fabriqués. Donc, pour le savoir, pour aller un petit peu plus avant, pour faire une vraie enquête, ils ont fait réaliser une étude exclusive par l'Institut de recherche SOMO, qui est un institut hollandais spécialisé dans ce genre d'enquête. Et que cette enquête sur le terrain a été réalisée dans 3 pays, les principaux producteurs, donc la Chine, les Philippines et la Thaïlande. Et qu'au total, on a examiné les conditions de travail dans 27 usines qui produisent des composants pour les ordinateurs, donc carte mère, disque dur, bloc, etc. Et au bout de cela, donc il y a eu 500 pages d'études, et au bout de cela, il y a eu une présentation d'un profil des principales industries qui sont présentes sur le marché, en tout cas notre marché, donc Hewlett-Packard, Dell, Acer, Apple et Fujitsu Siemens. Alors qu'est-ce qu'on a découvert dans ces usines? C'est que les droits ne sont pas toujours vraiment respectés, les droits des travailleurs. Et peut-être pour ça, je vais passer 2 minutes la parole à Chantal Payer, puisqu'elle a été sur place, en Chine notamment. Et juste pour détailler 2-3 points dont on va discuter ce soir, parce que la première partie sera consacrée à savoir faire le point sur la situation, et la deuxième partie de la discussion sera consacrée à que faire, comment est-ce qu'on peut améliorer la situation dans ce type d'industrie. Voilà, je vous passe la parole. Merci. Donc c'est juste en 2 minutes pour résumer les principaux problèmes au non-respect des droits du travail qui sont ressortis de ces études de SOMO. Donc à la fois en Chine, en Philippines et en Thaïlande, il y a bien sûr des différences selon les pays. Les 5 problèmes qui ressortent en fait dans tous les pays le plus fréquemment sont le premier, la question des horaires de travail, c'est-à-dire qu'en période de haute production, les ouvrières très fréquemment travaillent 12 heures par jour, 7 jours par semaine et parfois plusieurs semaines de suite. Ce qui constitue une violation des législations nationales, quel que soit le pays, et aussi des recommandations de l'Organisation internationale du travail qui préconise 60 heures maximum par semaine de travail. Un autre problème par rapport aux horaires, c'est que ces heures supplémentaires sont obligatoires, donc les ouvrières ne peuvent pas refuser de les faire. Le deuxième problème concerne les salaires, c'est-à-dire dans la majorité des cas, les salaires minimums des pays sont respectés dans les usines d'ordinateurs. Simplement, au niveau des heures supplémentaires, il y a très fréquemment, et particulièrement en Chine, des erreurs, des manipulations comptables, donc les heures supplémentaires ne sont pas payées selon la loi. Un troisième problème concerne la question de la santé. Donc l'industrie des ordinateurs est l'une des plus toxiques au monde, avec l'acide nitrique, du plomb, du beryllium qui est utilisé pour fabriquer les ordinateurs. Pour protéger les ouvriers, pour manipuler ces produits, il y a des mesures et des législations assez claires, notamment au niveau de l'information à donner aux ouvriers sur les produits qu'ils manipulent, et puis sur les mesures de protection comme des masques ou de la ventilation dans les salles de production. Or, dans plusieurs usines, particulièrement en Chine et puis en Thaïlande, les ouvriers n'ont pas reçu les masques de protection, bien parfois ont reçu des informations erronées sur les produits qu'ils manipulent. Et ensuite, 2 derniers problèmes concernent la question de la liberté d'association, qui est en fait le droit qui fonde tous les autres droits, vu que si les ouvriers ne peuvent pas défendre leurs droits, tous les autres droits continueront à être enfreints. Dans la majorité des zones franches, la liberté d'association n'est pas respectée ou garantie. Et sur 27 usines étudiées, il y a seulement 3 usines, tous en Thaïlande, où il y a des syndicats qui ont été identifiés. Enfin, dernier problème, c'est la question des contrats, qui est particulièrement aiguë en Chine. C'est-à-dire qu'il y a des millions d'ouvrières en Chine qui travaillent sans avoir un contrat officiel de travail, ce qui signifie concrètement qu'elles peuvent être licenciées à n'importe quel moment, mais aussi qu'elles n'ont pas accès aux assurances sociales, accidents, maladies, maternité et pensions qui sont garanties par la loi. Merci, Sandra Béa. Je vais vous présenter en fait nos intervenants de ce soir. Alors, ici à gauche, Antoine Garnel, qui est un spécialiste de la Chine, qui est professeur à l'IUED, donc on est dans vos terres ici. Madame Molina Wong est chinoise, elle est responsable, directrice de Labor Action China, qui est une ONG, donc une organisation non gouvernementale très active, très spécialisée dans les questions de travail disons, en Chine, et qui est hôte de la campagne donc de Parle pour le prochain. Monsieur Robert Steyert, qui est un membre, qui est responsable de l'industrie électrique et électronique au sein de la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie, qui est basée ici à Genève, et Madame Lena Pripkovac, qui est responsable des questions éthiques et sociales chez Dell International, donc une des entreprises qui a été examinée par l'étude, et qui est venu en fait directement des headquarters de Londres. Donc, je les remercie d'être là. Et donc, je précise que la première partie de la conférence, enfin du débat, durera 30 minutes. Je vous donnerai la parole au terme de cette première partie, et que la deuxième partie, plus sur la question du que faire, durera aussi une trentaine de minutes, et je vous donnerai aussi la parole à ce moment-là. Je passerai un peu dans les rangs pour savoir s'il y a des questions. Alors, je vais commencer peut-être par Monina Wong. Je voulais savoir si vous, quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser aux questions de travail, justement, de conditions de travail dans l'industrie électronique en Chine, et qu'est-ce qui vous a frappé au premier abord? Thank you. I think you need the mic, otherwise you cannot translate. Huh? Merci beaucoup. I think the study on what actually happens in electronics and particularly computer factories in China dated back to year 2004, when there was a computer campaign launched in the UK. I'm sorry to say that, but we're actually repeating more or less the same issues when we first raised that in 2004, though in a different country, and hopefully with a wider audience. But that also reflects the fact that things have been going on quite slowly. I mean, what Chantal has briefed you about the sweatshop conditions in China as well as in other Asian countries, and I think including Latin American countries as well, it should be, was very much known by the industry, of course, more than two years ago when we launched the campaign. But I think the question comes back to the industry and also to ourselves, what's wrong with this industry? Why do we, I mean, for one thing I'm sure is, forget about clean computer at the moment, there is no clean computer. But it comes to the question, what's wrong with it and how we should quicken the pace of improving things if we want to see a clean computer in the next 5 years' time. Donc, est-ce que vous avez le sentiment, justement, que les industries électroniques prennent conscience, disons, des problèmes qui existent dans ce domaine? De plus en plus. Of course, that's how the industry organizes itself. This industry is much more complicated than the garment or the footwear or the toy industry. We see how outsourcing of the components, if you break down the components, you would find more than 100 component products made individually and supplied from different manufacturers. The outsourcing of the computer products is so complicated, but on the other hand, this industry is also very much dependent on how to get back all these components and assemble it and deliver it to you. Particularly well known is the Dell model, which is the build-to-order model. You want your computer, you place an order, you want it 3 days afterwards. How is it done? How is everything possible? The magnitude of outsourcing combined with the amazing thing that all these different suppliers can assemble the computer 3 days after you place the order. If we think about it, it tells how complicated the structure is. Une question. Donc, pour Madame Pripkovac, on sait que Dell, justement, ainsi que Hewlett-Packard, ont établi un code de conduite depuis un certain temps. Est-ce que ça veut dire que vous rendez compte des abus qui existent dans ce domaine et des problèmes qui existent dans ces industries? So, thank you. Yes, I think, first of all, this is something we take very seriously, and we want to investigate everything that comes out of any kind of report like this, because we do expect that our suppliers will have the same level of standards as we have in our own facilities. And just going back to Melina here, reference to the complexity of our supply chain, I think that is the difficulty that we see today. We have a multi-layer, big, large supply chain that we do try to control with this code of conduct. So as we mentioned, from 2004, we've been working with an industry code of conduct so that we have the same kind of conduct for all our suppliers, not just ours, but also our competitors' suppliers, to kind of have the same message. So I do see that the complexity here is taking time, which we wish it didn't, but it does. And what we do is we're very committed to continue with this, and we work with our tier one suppliers to drive through change. When you have mentioned the complexity of outsourcing and the just-in-time model. And the way we do that is that we have our own factories. We actually do have our own factory in Europe, in Asia, we have it in China, in Xiamen, and we have it in the US. And that's how we control some of the just-in-time, we control our own manufacturing there. And then the next step is to work through these code of conducts with our tier one suppliers and really emphasize the importance for them to drive that to the next level. But as mentioned, we are also frustrated with the time, of course. This is taking a long time to get this through the supply chain. Les études ont parlé justement d'horaires de travail extrêmement importants, des heures supplémentaires extrêmement importantes qui vont parfois bien au-delà de ce qui est inscrit dans votre code de conduite. Donc, est-ce que Dell réalise que les ouvrières, parce que c'est souvent, le plus souvent des ouvrières, effectuent des heures de travail bien plus longues que ce qui est inscrit justement dans le code de conduite? So, our own assessment, we're doing our own monitoring and reporting too. The number one problem is the overtime, just as you mentioned. So, the excessive overtime has been the biggest problem that we are dealing with. And that is the reason that the code has a specific reference to overtime and what we expect from our suppliers. But we also, apart from that, Dell's working on what we call a business improvement process, which is entirely projects about overtime. So we use our own employees that we have in our own factory in China to work together with our suppliers to look at the overtime and not just set the level saying you have to reduce the overtime, but actually looking more on a root cause. Why is there overtime? Is there what's lacking? And some of the things that our suppliers have come up with now the last year is that they've changed their monitoring system so that they have automatic badging system rather than having manually written down their hours so they can control it better. The other part is that they are also training people in multitasking so that it's not one person that has to run the same machine, for example. And as well as trying to understand why, you know, some people have to work. If one machine has been down for a long time, does people come in afterwards and have to catch up? So this is a project that will continue. Again, it's gone on for almost a year and will continue longer until we find good examples that we then can use to provide in the rest of the supply chain to show that there is options and there is possibilities to reduce overtime, which we've done in our own factories and which we've done with our first-tier suppliers. But the most efficient way we think we can do this is to work through our tier one supplier. You ask the question half right. They, to a certain extent, they know the problem, but to a certain extent, they also don't know the problem. And I think the reason why is also acknowledged by the industry, because we talk about different layers of contracting out the production. And the brand company had, of course, joint responsibility. I think this concept of extended responsibility, joint employer, this concept which was used in the e-waste handling and also the environmental campaign in this industry in end of 1990s and also early 2000 should be applied to the labor issue area. The brand companies are working very closely with their first tier contractors, contract manufacturers or the ODM suppliers. They are the people that have to make sure that the flexible model, the just-in-time supply model would be implemented. And I think the problem is very well acknowledged. They don't know, in fact, they don't know where these the first-tier contract manufacturers source individual components from. And that's why there's always this frustration that whenever problems are identified on the ground in China or in Thailand or in Mexico, it took a long time for the brand company to even go down their own supply chain to verify whether this is my factory. So I think this issue of joint responsibility between the brand and the first tier manufacturer is very important. And who should monitor the second and the third tier. So this is one issue. And the other issue, particular to this industry, I think is the very old issue of the lack of freedom of association in this industry. This is an industry that has imaged itself very highly on being high-tech clean and sweatshop free, but in fact it is not. And this is an industry also image itself very highly on the fact that we don't need a trade union. It is something outdated. It does not belong to the future. It does not belong to the to this industry. But the fact that a lot of these outsourcing were done in countries where freedom of association is hardly either suppressed by the government or manipulated by the employer makes the situation even worse. I mean, think about the situation when you know, when you don't know exactly who are your suppliers, who are actually making a part of the computer. And at the same time, you know very well that these suppliers are doing the business in countries where there is no freedom of association. And at the same time, the company itself does not really uphold freedom of association in their own with their own direct employers. I mean, all these issues adding together make it really difficult for us to see how the industry can improve the situation on its own, or relying on a self-regulatory mechanism to improve the situation. Antoine Carmen, justement, on parlait de liberté d'association, on parlait des conditions de travail, le salaire dans l'industrie des ordinateurs. Dans quelle mesure les autorités chinoises sont-elles au courant de ces abus, ferment-elles les yeux, font-elles quelque chose pour contrer ces abus? Alors évidemment, en Chine, la liberté d'association n'est pas d'actualité, ne sera sans doute pas dans un avenir proche. Hein. Mais je dirais qu'il faut essayer de voir peut-être le rôle que jouent des organisations caritatives, des organisations, des ONG qui se développent en Chine et qui n'utilisent pas directement le biais du syndicalisme, mais plus le droit, utilise l'accès aux tribunaux pour faire avancer un certain nombre de questions. Moi, ce que j'essaierais de dire, c'est qu'effectivement, le constat qui a été fait par cette recherche est tout à fait juste, mais il y a peut-être un certain nombre de choses qu'on peut voir et d'évolutions qu'on peut sentir par rapport aux conditions de travail dans les usines d'exportation en Chine. Mais la question, c'est est-ce que les autorités se rendent compte de cela? Par exemple, on voit que beaucoup de ces industries sont dans des zones franches. Dans des zones franches, finalement, on n'applique pas forcément les mêmes droits qu'ailleurs. Dans quelle mesure, justement, les autorités chinoises ferment les yeux ou, quand même, tentent de réguler quelque chose? Je dirais deux choses. D'abord, effectivement, ils ont un droit du travail qui est relativement progressiste en Chine, au niveau du droit, donc au niveau de l'écrit. Il est peut-être un petit peu trop progressiste. Il n'est même plus une espèce de référence. Donc, effectivement, on ferme les yeux. Toutefois, je dirais que depuis quelques temps, notamment en raison des mouvements sociaux qui peuvent se développer dans les entreprises, ils essayent d'être un petit peu plus présents. Hein. Ils essayent de reconstruire les syndicats officiels, d'accord, dans ces entreprises pour essayer d'avoir... Ça fait toujours un peu désordre quand les ouvriers arrivent dans la rue, quoi. Hein. Donc on essaie d'avoir les informations un petit peu avant, hein. Et ces syndicats servent à ça, finalement, de espèce de courroie de transmission et de se dire, à un moment donné, peut-être qu'il faut lâcher du lest. Donc, il y a évidemment on s'en soucie pas trop de ce qui se passe dans ces entreprises-là, pour autant que ça ne trouble pas l'ordre public. C'est un peu là le jeu, je dirais. Enfin, Robert Steyart, est-ce que vous partagez le constat de Melina Wang concernant les conditions de travail justement de cette industrie en Chine particulièrement, et parce que la World Federation s'en préoccupe? I think first we should not concentrate only on China. I think that's a mistake. China meanwhile becomes one of the biggest producers of components for computers, but it's not the only one. And China, of course, is a special case because we have a system, a political system, where also trade unions play their role within the political system. And if you want to change that, you have to change the political system in China, because the trade union in China is not a free organization. It's part of the party. It's what Karl Marx formally told the transmission belt of the political party, nothing else. But we have other countries outside China producing for computers, like the Philippines, like Thailand, like Malaysia. Meanwhile, here in Europe, one of the biggest producers for components for computers is Hungary, where we have a company called Flextronics. Not a lot of people know Flextronics, because you will not find the logo of this company somewhere. They only produce for other companies like Hewlett Packard, Dell, and those companies who are well known because they have their logo on the computer and not Flextronics. And we still have also Mexico, the whole area along the borderline to the United States, which is called Maquiladora. where a few hundred thousand people are working in electronics companies, as they are still called, producing components for computers, for other electronic parts, and there we everywhere have difficulties with the fundamental right of freedom of association, which is a right the ILO constituted. There is a special convention called 87, or the numbered 87, which clearly says that every worker should have the right to freely join a union or to found a union together with others. A lot of countries, a lot of states in this world have signed that convention, but did not ratify it. That means they did not implement it into the national laws, or they immediately created some bylaws which limit the right for freedom of association. That starts not only in so-called developing countries. We have some so-called developed countries as well, where the right to join unions and to form unions is limited. And the United States, as the country which is known for the home base of a lot of computer companies, is one of the countries. The United States itself did not ratify any of the so-called core labor conventions, which are freedom of association, freedom of collective bargaining, prohibition of child work, prohibition of forced labor, and non-discrimination at the workplace. The United States did not ratify any of these conventions. And if you go to Mexico, you can find even worse situation. In Mexico, you have the possibility, which is called officially in Spanish, contrato de protección, or if you translate it into English, protection agreement. Question is, who is protecting whom against who? Where companies do have the possibility to negotiate an agreement with an existing union, which does not have any mandate of the workforce, and the agreement makes the workforce of that company to union members. Very often, those people don't not even know that they are a member of a union. It's a farce, as we call it, what they call union, because if workers really want to unionize and they found their own union, they always told, oh, you have already one, you don't need a second one. They never heard about that union. And those unions are certainly not the ones who are on the way to improve the situation, the working conditions, the wages for these people in the plants. Mais Monsieur Schneider, si on revient au pays étudié dans l'étude donc de la SOMO, qui était les Philippines, la Thaïlande et la Chine, qu'est-ce que vous y avez trouvé? Qu'est-ce que pour vous sont les problèmes, ou est le problème le plus aigu? Est-ce que c'est le problème du salaire? Est-ce que c'est le problème des horaires? Est-ce que mis à part la liberté d'association, bien sûr, que vous avez mentionné? I look for, at least for me, those are all difficulties and problems which are directly related with the question of freedom of association. Because if you would have had really the right to organize in a union and to bargain with the employer, then most of these problems would be at least partly solved. It happens in countries where you don't have that right, or where you don't have original unions which are backed by the workforce of a plant or of a company. Then these problems come up. Then employers can demand overtime, often non-paid overtime. That means you work overtime, but you don't get any money for that. That happens in a lot of countries. South Korea, Philippines, of course also in China, if we come back to China, where people have to work overtime, but they don't get paid for. Madame Brunkovac, je voulais savoir si en fait, vu qu'on a parlé de liberté d'association, on a parlé de tous ces problèmes liés à la liberté d'association, comme dit M. Steyer, est-ce que Dell, là aussi, est conscient des problèmes qui ont lieu dans ses sous-traitants, c'est-à-dire, par exemple, au niveau de la liberté d'association, le fait que les personnes ne peuvent pas se réunir librement, sur le fait souvent qu'elles n'ont pas de contrat d'embauche. Qu'est-ce que fait d'elle et comment d'elle est consciente de ces problèmes-là? I think we got a good overview here of the complexity and the problems and the difficulties to kind of comply with the law and also work in different ways so that you get the best input from the employees worldwide. But if we talk about China here, for example, as was mentioned here, it's a harder part. You have to look at lots of different ways of engaging employees. So what we're trying to do is to find ways around this to get input from employees at the sites. It could be either to set up workers' councils on the ground. It could be having environmental health and safety organization that also brings up discussions about overtime, workers' overtime and work hours. And also work together in training programs in order to get the input. So this is a little bit of different ways of working on these issues, but it is a complex area, and we work differently in different countries due to the national laws that are there. But yes, we are aware of the complexity with this. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, je voudrais savoir si les industriels étrangers n'étaient pas au courant de ces maltraitances. Pourquoi ont-ils choisi ces lieux? Parce que il fallait poser des points sur les conditions humaines, à savoir droit au repos, droit à une alimentation convenable, droit à avoir un suivi médical des ouvrières. Pourquoi c'est seulement maintenant que les industriels étrangers se sont rendus compte que certaines choses ne vont pas? C'est un éternel recommencement, donc l'OIT doit faire, je pense, ses propres travaux. Donc je suppose que c'est une question adressée à Madame Kovacs. Understand the question right, otherwise please come back to me. I think that, you know, what we're setting up, just like we set up factories in Europe, we set up factories in the US, and we now have a factory over in Asia as well. Being part of the environment there and, you know, to try to bring our standards in there is an important factor. And I understand that the complexity here is enormous and it is difficult. But we still think that we can bring a positive change into what we do by being there as well. Monsieur Garnet. On pourrait peut-être ajouter que les consommateurs aiment bien avoir des produits bon marché aussi. Ce qui explique peut-être pourquoi on va faire produire ces ordinateurs dans des endroits où la main-d'œuvre est bon marché. C'est tout un cycle. J'aimerais peut-être juste rebondir sur ce qu'a dit au terme de liberté d'association. Je suis d'accord que c'est très bien la liberté d'association, ça serait très bien qu'il y ait ça en Chine aussi. Mais je ne suis pas d'accord qu'il faut laisser... Enfin, il me semble qu'on peut quand même parler d'évolution possible pour la Chine, d'amélioration possible des conditions de travail, sans la liberté d'association. Parce que si on dit que c'est ça, il faut passer par ça d'abord, ça veut dire qu'on oublie la Chine pour 20 ans. Quoi. Enfin, c'est un peu ça. Je reviens à une question que je posais tout à l'heure par rapport au contrat, le contrat de travail. Comment est-ce que vous pouvez vous assurer chez Dell que les personnes ont ou n'ont pas un contrat de travail, vu que c'est un droit absolument fondamental, justement, celui d'avoir un contrat de travail? Comment vous en rendez compte? Comment vous travaillez sur le terrain? So, within our own factory, of course, we can control that everybody has a contract and that they do. What we also do is, again, working with our first-tier suppliers, and we have quarterly reviews where we do assess and look through if contracts exist and what the overtimes are, And this is happening with our worldwide procurement team, so it's integrated into the regular business, so that they know that this is just as important as anything else in our way of doing business. So referring to the direct relationship that we have with our suppliers, that we do follow up on and look at the aspects of contract and what they do in relation to freedom of association. The challenge for us is the next level, to make sure that the tier one suppliers and our suppliers down the line continue to implement and check and monitor this through the supply chain. Marina Wong, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce qui a été dit, notamment par Madame Polipkovic, sur finalement les efforts qui sont faits par les industries électroniques dans ce domaine, et selon vous, quelles seraient les priorités à mettre en avant? I don't think I would agree with Anton. That without freedom of association, there could be real-term improvements in China's. It's hard to agree with it, isn't it? I mean, given the fact that we have seen examples not only from this industry but other industries like garment, I'm sure many of you have participated in garment campaigns or toy campaigns, right? It's been more than 10 years. And I agree with Robert, it's sad to see that the attention always goes to China. But in fact, freedom of association is not only a problem that is not there in China, it's also in other countries. And workers are suffering because they want to have a say in the workplace. And you have countries where people do take actions to make sure that they can own their own law, right? They can have say in their own law, in the to see that the law, the international ILO convention or whatever code it is from whatever company, they want to have ownership of it. But in China, you don't have it, and you see it's a replication. In fact, if you don't look at it, it could be a report about toy industry. It looks like a package of toy as well. Could be a report on toy industry, it could be a report on garment industry, the same long working hours, overtime not being paid, and most important of all, how management are able to control the workplace. I mean, in an absolute sense, they can just dismiss anybody, with or without contract. And also how they can falsify their records, not necessarily for the brands, but also for the government inspection, right? Although it might not be very frequent. But the point comes back, I mean, it's been 10 years, it's been 15 years of campaign, and China is still there. Part of the reason, of course, is because China is so big, so important, a country that really gets not only the jobs, but also foreign direct investment. But also, the fundamental thing is because there is real inequality in the industrial relation on the shop floor, right? And it comes back to the question of how a campaign targeting both the companies and also the government, how can a campaign help to create space so that workers can participate in these campaigns, so that intention in caring about what's happened in other parts of the world, the pressure, the message you send to these companies could help to create a space so that these workers can make use of their own actions and voice for themselves. I mean, if there is no such a worker participation from bottom up, everything would be in control of either government inspectors or the human rights inspectors of the companies, and you would have the same old story. It's cat and mouse game, basically. Robert, there, of course, is one possibility where the situation could change in China, also without freedom of association. That is, if the political party would say, look, this I would like you to do. I would like you to put, or I put it into my so-called developing plan or industrial policy. You have to create free unions. We are not talking about the union which is existing in China, which is part of the political system. And there's only one union, and only one union is allowed. And if anybody tries to found another one, he disappears somewhere in a hospital or in prisons, and then it was. If the party would say, okay, I accept freedom of association as it is part of the ILO Convention 87, everybody has the right to freely decide whether he wants to join or whether he even wants to found new unions, own unions with others, then it would happen, otherwise not. Allez, yep, monsieur qui voulait. Moi, ma question, c'est de savoir quelle question on pose ce soir. Laquelle des trois questions possibles on pose ce soir. C'est-à-dire, est-ce la question qu'on pose, c'est de savoir pourquoi en Chine, on gagne moins et on travaille dans plus mauvaises conditions que chez Firmenich à Merin ou dans un bureau de l'administration genevoise. Ça, la réponse, on la connaît déjà, c'est parce que les Chinois et les Thaïlandais n'ont pas écouté les bonnes théories du développement que nous, en Europe, on a développées. La seconde question, c'est de savoir comment se fait-il que des multinationales, des compagnies multinationales très respectables, se comportent aussi mal. Alors là, la question qui se pose, c'est est-ce que les multinationales, dans la plupart des pays où elles travaillent, où elles ont de la sous-traitance, est-ce qu'elles sont plutôt de meilleurs ou de moins bons employeurs que les employeurs locaux? Puis il y a une troisième question que M. le professeur Antoine Kernel aborde indirectement, pas trop ouvertement parce qu'il n'ose pas, c'est de savoir pourquoi, au fond, les travailleurs de ces pays, en Chine, en Thaïlande et ailleurs, n'organisent pas les grandes mobilisations ouvrières pour le salaire minimum qu'on a connues en Europe au 19e siècle et au début du 20e siècle aux États-Unis dans des conditions tout aussi difficiles, avec tout aussi peu de liberté d'association. Et comment se fait-il que, bien que ces travailleurs sachent l'intérêt qu'on leur porte et voient défiler tous les jours des dizaines d'ONG qui viennent faire des évaluations, des ratings, des notations pour le compte de toutes les grandes compagnies d'investissement éthique dont on parle matin, midi et soir dans le Financial Times et dans tous les milieux bancaires, comment se fait-il que ces travailleurs, objets de toutes les sollicitations, ne font pas ce qu'on veut qu'ils fassent, à savoir la grève massive pour obtenir des salaires minimums? Donc, laquelle de ces trois questions vous traitez ce soir, parce qu'il me semble que les mélanger est très préjudiciable au débat. Alors, je ne sais pas à qui adresse la question, mais je pense à tous, mais je ne sais pas qui veut répondre. Je dois faire une précision. Moi, je suis pour la liberté d'association. Je joue un peu le rôle de l'avocat du diable ici. Simplement, moi, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui se font. Il y a des gens qui luttent, justement, en Chine, pour améliorer les conditions de travail. Il y a des ONG qui sont basées, soit en Chine, soit ailleurs, qui essayent de faire avancer les choses. Et d'ailleurs, cette campagne, si on attend qu'il y ait la liberté d'association, on peut la foutre à la poubelle parce qu'elle ne sert à rien. Donc, on est obligé, on peut faire des choses. Et il y a des choses qui se font, et des gens qui travaillent dans ce sens, pour faire évoluer la situation sans ce blocage, sans se focaliser sur ce blocage politique qui ne va pas changer, j'entends. En Chine, il n'y a pas deux clubs de foot qui peuvent avoir des associations de fans différents. Hein. Il est obligé d'avoir une association de fans de foot par club, et puis le parti a un contrôle de l'association. Alors vous imaginez bien que les études, enfin, les organisations d'ouvriers, on n'en veut pas. Ceci dit, il y a des choses qui se passent, et c'est aussi ça que j'essaye de dire. Je ne suis pas sûr que les ouvriers chinois soient tellement sollicités par une multitude d'ONG. Il y en a quelques-unes, oui, il y a effectivement ces codes de conduite, hein, Il y a une fameuse plaisanterie en Chine qui dit qu'on doit à chaque fois déplacer l'extincteur parce que chaque compagnie a un code de conduite différent. Donc, il faut s'adapter à chaque code de conduite. Puis comme ces sous-traitants-là, ils sous-traitent pas seulement pour Dell, bien évidemment, mais aussi pour les autres. Donc, ils doivent s'adapter. Le problème, pourquoi on s'organise pas ? On s'organise pas par les mobilisations. Parce qu'il n'y a pas par des mobilisations qui dépassent le cadre de l'entreprise. Il y a des grèves, il y a des mobilisations à l'intérieur d'une entreprise, etc. Il y a des dépôts de pétitions, il y a des dépôts de revendications, etc. qui se font, on sort dans la rue. Mais si on essaie de s'organiser entre les différentes entreprises, la répression est extrêmement brutale. C'est aussi pour cette raison qu'on passe de plus en plus par le droit, pour faire avancer un certain nombre de choses. Et dans ce sens-là, il y a un certain nombre d'organisations, par exemple, des organisations à Shenzhen, par exemple, qui travaillent pour la défense des travailleurs à travers la constitution de dossiers qu'ils vont déposer devant les tribunaux, qui font avancer un certain nombre de choses, notamment, par exemple, sur les cas, alors c'est un cas précis, on est d'accord, mais sur les cas des heures supplémentaires non payées, par exemple. Et ils ont eu gain de cause, dans le cas auquel je pense. Donc, il y a aussi des choses qui évoluent en contournant ce blocage. Parce que si on va, pour l'instant, je dirais, le pouvoir chinois est trop fort. Il fait peut-être peur. Donc, on ne peut pas... Ce serait presque un peu suicidaire d'essayer de s'organiser comme ça. Alors on s'organise dans l'entreprise. Et dans l'entreprise, dès que ça reste vaguement spontané, ou on peut penser que c'est spontané, c'est toléré. C'est toujours interdit, mais c'est toléré. Donc voilà. Je vais juste peut-être passer la parole à monsieur. Merci, deux remarques et deux questions. La première remarque, c'est un grand merci. Une grande félicitation à pour Toshin et Action Carême de mener cette campagne, parce qu'il aurait fallu attendre plus de 20 ans si on avait entendu les syndicats pour le faire. Donc je suis vraiment très heureux, je suis syndicaliste, de cette campagne qui est menée ici par les autres entraides des églises paraîtres directionnaires. Deuxième remarque, je pense que c'est important, on est à Genève, c'est hallucinant, en Suisse, et on parle de la liberté d'association des autres. La liberté d'association, c'est pas seulement une belle liberté qu'on accroche au-dessus de la cheminée et auquel on pense une fois par an le 1er mai. La liberté d'association, c'est la liberté de créer des syndicats pour négocier les conditions de travail. Ce que notre camarade de la firme a appelé le collective bargaining, n'est-ce pas ? Les négociations collectives qui mènent à créer, à faire des réglementations collectives pour les conditions de travail, de salaire, d'horaire, de congé, etc. C'est les conventions, en effet, 87 et 98 de l'OIT. Alors, je donne l'information ici, je suis journaliste et syndicaliste. La Suisse vient d'être condamnée par le comité de la liberté syndicale de l'OIT pour violation de la Convention 87. Dans ce pays-là, dans lequel nous sommes, la liberté d'association est une liberté strictement formelle mais non matérielle, puisque les militants syndicaux de l'entreprise de Dell, de Hewlett-Packard et d'ailleurs en Suisse, s'ils sont des syndicalistes actifs de l'entreprise, se font licencier. Et la Suisse n'a dans son code de travail strictement rien pour véritablement protéger et interdire le licenciement. Je ne parle pas des secrétaires syndicaux comme moi, je parle des gens, des femmes et des hommes dans les entreprises qui mènent des actions syndicales. C'est intéressant de voir que la Suisse, un vieux pays démocratique, paraît-il, vient de se faire condamner par l'OIT pour la violation de la Convention 87. Deux questions. La première question, est-ce que l'entreprise Dell, ici en Europe, est soumise elle-même à une convention collective et avec quel syndicat elle a négocié ? La deuxième question, quels sont les syndicats suisses qui participent à cette campagne ? Est-ce que l'entreprise Dell est soumise à une convention collective ? Et si oui, avec quel syndicat a-t-elle négocié ? Je parle de Dell Suisse, pas ni Chine, ni Thaïlande, ni Philippines. Okay. So I'm sorry I can't reply to the Swiss situation because I am not actually located here, since I'm located in the headquarters in London. But I know that we have collective bargaining in different countries, and it is different depending on which country it is. And so in Europe, yes, there is a collective agreement in some of the countries, and in some there has been other workers' councils set up. So they differ depending on the country, but I'm so sorry I can't reply to the Swiss specifics since I'm not Swiss. I'm sorry. I just want to comment on getting together with the different codes. I'd like to clarify because I think it's important that one of the things that the industry has done is gone together and made one code. So HP doesn't have a different code from Dell, Apple, Acer, or the ones that are part of the EICC. So we have actually agreed on one code, and that was one of the collaboration that came out of 2004. And that code was then translated into the local language. So that was one step of actually getting together and having the same code to be able to communicate the same message to all suppliers in the electronic supply chain. So now we are in the phase of implementation. The code is just as good as a piece of paper if you don't start to implement it. And there is implementation done individually by each company, but it's also a joint implementation, which we've gone together and have tested a number of third-party auditors that are right now doing joint audits. So we're in phase two, and I think it's about 80 audits that are going to be done with the supply chain, where they're going to go in and do the assessment and an audit to check on the conditions. And then we're going to be able to assess it as an industry to see what the results are. And then if we get that, we can then individually go in and do our corrective actions. And this kind of collaboration, it is important, but it's also difficult because we have to make sure that we don't share too much information, because then it will be a situation that we would be working as a cartel, which we can't. So. Therefore, we have a third-party organization called BSR that is coordinating this for us. Yeah. So there has been a start in working on collaboration on this. What I do want to see in the future, though, is collaboration between many different organizations, and I agree that we need to have a lot of collaboration there. Just une question. Quand est-ce que vous avez signé ce code de conduite et depuis combien de temps vous êtes présent, tel est présent en Asie? So since 2004, the code is together. So then that's when the code became an industry code. Before that, the companies did have their own individual code of conduct. But since 2004, there has been an industry code. And this code is revised once a year with input from different organizations. So it's not a set code, it has to be evolving. So the next revision is now in April. Et depuis combien de temps avez-vous été présent en Asie? Oh, I'm not sure actually, I'm sorry. Dell is only 22 years old, so when we started it, I have to check, but we've probably been there more than half of our time. More than 20 years. Sur les syndicats suisses qui sont associés, ils ont la campagne, je voulais juste donner la parole à Chantal Payet pour qu'elle réponde. Merci. Il faut dire déjà que cette campagne, c'est le lancement, donc c'est le début d'une action de longue haleine. Le but, c'est de continuer maintenant dans le temps. C'est vrai qu'elle a été lancée par un peu le prochain son carême avec la fédération, Prevas, avec la fédération du consommateur. Pour nous, c'est évident que si Unia ou d'autres syndicats veulent se joindre à ce travail à long terme, c'est aussi notre objectif ou notre but. Mais il faut aussi dire que les syndicats suisses, à mon avis, qui ont plus de position, ils sont souvent encore très repliés sur les problèmes suisses et ils ont peine à se situer dans une perspective internationale et à faire le lien entre ces deux dimensions et donc aussi à mettre des ressources humaines à s'engager dans ces domaines. Monsieur, vous avez... Vous pouvez parler de la position parce qu'il est seul. I have a question for the representative from Dell, please. You spoke earlier about the different layers of your supply chain and the fact that you really only need quite much visibility on the first layer. Imagine that you have a system for qualifying the suppliers further down the supply chain to make sure that they can meet your quality standards or delivery terms or your price. And so could you just clarify how you qualify them and whether social or labor rights considerations taken into account when qualifying them? It's the same. So the qualification is going through our tier one suppliers. So it's the same process. You know, if it's labor standards or if it's quality, it will go through collaboration with our tier one suppliers and setting it with our tier one suppliers who we have the direct relationship with. So your tier one supplier does do due diligence on the tier two, and the tier two does due diligence on the tier three. Then why aren't the rights respected all the way down the chain? So it's taking time to implement. We were trying to get the whole code to go and the awareness of understanding it, the code and what it means. So of course we want it to be all the way down. Can I ask you a question? What kind of a sanction have you discuss if one of the suppliers is not willing to fulfill this? There's different levels because there is, you know, there's a follow-up on it depending on how severe the problem is. But the first part is really to try to collaborate and find a correction action and put a timeline in it. And that's part of what we're doing with the overtime discussion I mentioned a little bit before, where we work on following up on how to reduce overtime. So the first part is to work with the supplier. If it's going to be severe, a severe problem or a severe gap from the code, we also have a termination of the supplier as an alternative. So it will definitely depend on the severity of the situation and also the ability to do corrective action. En tant que Africain, je vois évidemment il y a une sorte d'ambiguïté hein, au niveau des débats parce que les problèmes, la question sociale et la question nationale et la question stratégique sont un peu trop séparés. Et je pense que ce que un pays comme la Chine, les Philippines, je ne sais pas, mais je pense que l'une des ambitions de ceux qui dirigent la Chine, c'est de faire en sorte que ce pays devienne un pays industriel et ait probablement des moyens de gérer la société de manière relativement démocratique en reconnaissant des libertés, mais des libertés avec des moyens de la financer et de l'entretenir. Parce que ce qui caractérise, ce qui fait la différence entre les pays développés et les pays sous-développés, c'est que les pays développés, ils reconnaissent un certain nombre de libertés, ils peuvent tricher, mais ils ont des moyens matériels, ils ont des moyens technologiques, ils ont des moyens financiers de gérer ces sociétés où les libertés sont reconnues. Moi, je viens du Sénégal. Je ne suis pas sénégalais, je suis camerounais. Mais je vis au Sénégal. Le Sénégal, n'est-ce pas, c'est l'un des pays où tous les droits dont vous parlez là sont tout à fait, non seulement reconnus, n'est-ce pas, mais l'État sénégalais, n'est-ce pas, il garantit la liberté. Vous avez au Sénégal des syndicats, n'est-ce pas, probablement plus revendicatifs et même plus effectifs que dans beaucoup de pays développés. Mais le pays n'a pas réellement une base économique qui permette à ces libertés qui sont reconnues de se diffuser dans la société. La société n'a pas tout à fait les moyens de les garantir réellement et de les faire passer dans la réalité. Donc je pense que un pays comme la Chine, si on la juge effectivement aujourd'hui, bon, on peut, il y a un certain nombre de choses que l'on peut, qui sont très critiquables d'un point de vue social. Mais la Chine, n'est-ce pas, se veut en même temps être une grande puissance, elle veut en même temps avoir les moyens de résister à un certain nombre de pressions extérieures qui peuvent aller jusqu'à la déstabilisation. Donc, n'est-ce pas, elle doit, à mon avis, être. Je crois que la classe dirigeante chinoise se projette devant dans 20 ans. Elle pense probablement que dans 20 ans, les Chinois seront plus libres, ainsi de suite, et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens réels de donner cette liberté. Alors, quand je regarde la carte qui est dans la petite brochure, je vois que l'Afrique est totalement absente. C'est-à-dire, toutes ces industries-là, elles vont pas, l'Afrique n'est pas sur cet écart. Alors, en tant qu'Africain, je me pose quand même la question. Je me dis, mais être exclu, n'est-ce pas, de ce processus de changement technologique, industriel, qui est dans le monde, qu'est-ce que je devrais, si je dois choisir, qu'est-ce que je dois choisir? Est-ce que je dois choisir qu'on ait au Sénégal ou au Cameroun des industries technologiques avec des conditions sociales très difficiles, mais avec la possibilité dans 50 ans, peut-être, de faire autre chose? Alors, ou bien, n'est-ce pas, être un peu exclu comme ça du système au moment où les possibilités d'émigration n'existent plus. C'est-à-dire au moment où l'Europe, les États-Unis trouvent pas ses portes à l'immigration, alors les pays où ces industries-là ne sont pas en train de se développer, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que vous avez une question précise ou... Non, c'était franchement des remarques, quoi, parce que ça... Une ou deux questions, notamment je voulais savoir en fait le bénéfice de Dell au niveau, je ne sais pas si vous avez les chiffres, 2004-2005. J'aimerais aussi un petit commentaire, c'est que Dell parle beaucoup de la complexité, etc. Mais c'est vrai que des fois, je me demande, il me semble qu'au niveau des industries, donc des points multinationales, en général les systèmes sont assez efficaces pour les salariés, des heures supplémentaires, en tout cas quand c'est des dirigeants. Donc, je me pose la question pourquoi au niveau des employés, il y a autant de problèmes à que ce soit régulé et que ce soit en fait, suivi. Donc je me demandais à ce niveau-là. Et puis, moi, je voulais juste dire que je pense que la logique qui est donc dite ici par rapport aux industries, c'est pas une logique tout simplement les industries des ordinateurs, mais aussi je soulève que c'est aussi un problème général avec beaucoup d'industries qui souhaitent diminuer les coûts de production en allant dans les pays où ils ne payent pas d'impôts, donc les zones franches, et avec des main-d'œuvre très bon marché. Donc ça, c'est aussi un autre problème que j'en ai soulevé. So for the net profit, I think the easiest way, if you just go in on the website, very easy, dell.com, and there is the whole profit, and you can read it, especially since the new result is coming out right now. And that's where the new information will be. The complexity of the overtime, I agree with you, because we can control our own employee overtime and working hours, and we have sophisticated systems for that. However, we cannot control another company's overtime and the working hours to the extent that we don't control their private data. But this is where we're trying to get, again, coming back to working on the overtime and collaboration on how we are helping out with our tier one suppliers again. To set up system with batch system with the more sophisticated system that you can track these things. So it is part of what we want to implement through the supply chain, but we can really just control our own systems. We can't control somebody else's systems, but we can work with them to implement new systems. The third question was the problem with cost. Okay. Yeah, no, I think the industry, as we mentioned before, you know, is obviously looking for producing products that are cheaper for the consumers, and this is a driving force to change the supply chain. And I would like to go back. I mean, Ireland was one of these zones in the past where, you know, it was favorable to set up, and it still brought a lot of good economy into the country. So it's a way of establishing the industry there and build up the infrastructure around it. So there's different reasons for different locations. One of them is cost, as has been mentioned here. But another one is also the accessible of good people and people with knowledge and people that can be part of the manufacturing be part of the company. So, and then it's a geographical location, what is close and how can you transport it easily. So there's a lot of reason for selecting an area, not just one. Si on peut, juste un instant, si on veut peut-être faire un peu ces débats sur le que faire. Et bon, on a souligné à plusieurs reprises justement qu'il y a ces codes de conduite qui existent. Moi, je voulais demander à Antoine Canan et aussi à Molina Wong, qu'est-ce que vous pensez de ces codes de conduite? Est-ce que finalement le fait que des entreprises étrangères adoptent ces codes de conduite peut faire avancer les choses en Chine, par exemple, vous voulez beaucoup parler de la Chine, est-ce que c'est de nature, disons, à faire pression aussi sur les autorités chinoises? Sur les autorités chinoises, je ne sais rien, mais sur les entreprises, en partie, je pense que les codes de conduite, c'est mieux que rien. Bon, ben voilà, ça exprime un certain nombre de choses. Après, c'est mis en application. Donc, on a bien vu, là, il y a eu des questions, des remarques autour de la chaîne, la question de la chaîne des sous-traitants. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Hein, parce qu'on contrôle, on peut bien contrôler un bout, quoi. Mais après, on ne contrôle plus. Et le sous-traitant, ben, il va sous-traiter à celui qui est quoi? Celui qui est socialement le plus correct ou bien celui qui lui donne des pièces qui sont les moins chères? Et puis les contrats, hein, comment se structurent finalement ces chaînes de sous-traitants sur la durée? Parce que si vous avez un contrat d'une certaine durée avec l'entreprise mère, ça va. Ok, vous pouvez vous dire, bon ok, je vais améliorer l'aération, je vais leur mettre des masques, tout ça, ça me coûte, mais bon, ça permet de se projeter dans un certain temps. Mais si vous ne savez pas, hein, parce que c'est pas Dell qui sous-traite, mais c'est le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant. Et puis que si vous faites ce genre de choses, ben ça va augmenter un petit peu vos coûts de production. Alors du coup, on va se retourner vers l'autre entreprise qui produit ce même genre de choses. C'est un problème qui est extrêmement complexe, quoi. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus oublier, il n'y a pas que l'entreprise mère, il y a un marché là derrière. Ces entreprises, ces sous-traitants, ils sont dans des situations de concurrence extrêmement fortes. Hein, et c'est pas facile pour elles, hein, pour les patrons, pour les plaintes des fois. Hein. Donc il y a une situation qui est complexe, quoi, effectivement. Mais pas seulement parce que c'est long, une longue chaîne, hein, mais parce que les acteurs d'en bas, les petites entreprises qui font du sous-traitant, ils sont dans un marché qui est extrêmement concurrentiel. Et puis pour elles, cette question des coûts est quand même une certaine importance. Molina Wong, est-ce que vous considérez, vous, que ces codes de conduite peuvent changer quelque chose ou pas? C'est un début. I would not start with code of conduct. I think it's the good thing about the campaign on this industry is that it tells this industry, and of course we have Dell tonight, and that the kind of business model that they build, that this industry builds its success on, is actually hurting itself, because this kind of close collaboration with the first tier manufacturers and the first tier manufacturer. I mean, they source and they work in close partnership. You really need to be working very closely with the second and third tiers, or with the first and the second tier, right? And that saves the brand company a lot of efforts in sourcing from, I mean, all these hundreds and hundreds of components. So you have a very close collaborator, which is the first tier, to help you sort that out. It's a perfect model. It saves the brand company a lot of efforts, a lot of resources to focus on delivery, on services, on building the brand image, and you know, it's a successful model. But at the same time, I think this campaign is telling the industry that look, it hurts yourself now, and what are you going to do about it? But on the other hand, I think the industry is of course reacting very slowly, and at the same time they would meet a lot of resistance from their suppliers. I take a quick example. Can you expect somebody that you have been working so closely with, like in the past 10 years, and they just deliver the goods whenever you want, and all of a sudden you're asking them, hey, it's your problem, right? You are sourcing from other people that would implicate my company's image, right? You should also build in a labor standard, right? I'm sure there would be a lot of resistance. And how to overcome all these? I don't think code of conduct or what the industry is actually doing a lot at the moment, meaning educating the management, like civilizing them. These people, they don't understand labor rights. Now they should implement it through an industry code of conduct. I don't think this is what the brand company should put all their resources on. On the other hand, it should be a bottom-up approach. And let me react to that gentleman's comment. These electronic workers, they are not like little animals, fragile animals to be protected. There are a lot of resistance and worker actions, organized actions in the Philippines, in Thailand, in Mexico. And also there are a lot of stoppage of work and also strikes, spontaneous worker strikes on the shop floor in China. Right. Few days ago, I was attending a trade union meeting in Amsterdam, and we have Chinese workers flying from China. They have got an occupational disease in a battery factory, the Golden Peak factory, and these women were poisoned with cadmium, a kind of a metal used in the battery production process. And they fly all the way. They take actions on their own. They take legal actions at home. They seek a collaboration with other NGOs. It's a Hong Kong invested company, and they talk to 500 people. I mean, in Amsterdam, in a country, and they went to the European Parliament to bring forth the case because there is a lack of space. To what extent individual workers standing up, factory workers, workers in one factory standing up, taking actions, there is a limit to how far they can discipline their employers. So they collaborate with trade unions, they collaborate with NGOs. I mean, these are happening. Don't take these codes as something that... We distinguish good companies, and we ask good companies to use this code to protect the workers. Sorry, it's the other way around. Workers are resisting in this industry, but they suffer from anti-union, anti-worker organizing management practices. So I think the question for the brand is, first, your business model is now hurting you. There is a message from the campaign. I'm sure it should be a very strong message if you send more postcards to Bread for All, for example, and if you also support other related labor campaigns regarding transnational companies in other sectors, this message will be very strong to the industry. This business model may not be sustainable. We are not very happy with it, although, well, we are very happy with your delivery of the computer in 3 days, but we are not questioning it. Okay? And you should extend the producer's responsibility with the your clean up your supply chain. If you don't know what your supply chain, it's ridiculous to us because you don't own your supply chain, right? So this is the first message. And the second message is that we do care about freedom of association. We do think that it's important when working people are taking up their own cause and stand up and fight. We support them and we want the company to do the right thing in disciplining manufacturers, your suppliers, who are anti-worker, who proved to be anti-worker organizing, fired the worker leaders. Use all sorts of methods to make sure that independent trade unions are registered. These should be the priority in the most. I mean, you can consider terminating their employment relationship if it is a systematic practice. And I think it's very important that we give more encouragement to this lady here, because we know from her that Dell is going to discuss and debate about the clause on freedom of association in the ICC. And if we show that we do care about freedom of association, I think it would help her when she go back in this internal debate of the company. And of course, the last thing is that in countries where there is no freedom of association, how do you integrate the principle of worker participation in it as a prior step to building real effective worker mechanism? J'aimerais poser la question et demander qu'est-ce qui se passe entre le producteur d'ordinateurs Dell, HP et compagnie, d'une part, et le client final, celui qui achète l'ordinateur, vous et moi. Il me semble que les codes de bonne conduite qui ont été mis en place en 2004 devraient commencer à porter suffisamment de fruits pour que les entreprises d'ordinateurs, et d'autant plus, si j'ai bien compris, c'est un pool, donc ce n'est pas une seule entreprise qui devrait faire travail, mais l'ensemble des fabricants, dire, et voilà, maintenant on vous propose des ordinateurs qui sont à 5% bon, ou clean, comme vous disiez, produits de façon sérieuse ou humaine. Et puis, d'arriver à monter à 7%, à 10, à 20, etc. Quitte à ce qu'on fasse payer le client final un peu plus. Ici, à Genève, on a cette politique pour l'électricité. On peut acheter notre électricité bon marché si on s'en fiche de comment elle est produite, ou on peut la payer cher si on veut être produite écologique. Pourquoi n'y aurait-il pas quelque chose de semblable au niveau des ordinateurs, en tout cas dans les pays à haute technologie et qui sont sensibles à ce genre de choses et qui peuvent payer. It's right, there is something coming up now, but at the end of the old discussion, which we did not ask all the time. That's which is one of the groups which can really put pressure on companies to change their attitude. It's the consumer buying the product or not buying the product. And not buying the product creates the pressure onto the companies. But let me ask you all, under which conditions you are making a decision whether you buy an IBM or an Apple or a Dell or a Hewlett-Packard or an Acer or what else do we have, Sony and something else. Are you going to shop, asking the sales guy there, under which conditions are the parts of this computer produced? Tell me. Because that's the background for me to make the decision which one I buy. Whether it's a little bit cheaper or a little bit more expensive, that's not my question. But that's exactly the point for the moment, which is running into a totally different direction. There is a company, they opened a shop here in Geneva some month ago as well. It's a German chain called MediaMarkt. It's on Rue de Zacharia. You can find it here. This MediaMarkt is running an advertisement campaign in Germany where they advertise with the slogan in German, Geiz ist geil. In English it would be just, I had to take my dictionary in order to translate it, stinginess is horny. Which means it's okay for you, it's cool, as young people would say, if you pay 5 francs less for a hard disk, or 100 francs less for a notebook, and nobody asks under which condition that notebook is created in order to get that price, and to be able to sell it for, what would it be in francs, probably 1,200, 1,300, 1,400 francs. Nobody is asking. But you all have the possibility to do it and to put the pressure on the companies. That they come up, changing their attitude, controlling their suppliers, what they are doing with their people, how they are treating their people, asking, what are you doing in under environmental things? Are you still using lead? Are you still using some other toxic stuff in the computer itself and in the manufacturing? You know, there are 2 points, what you have in your notebook and what is used in the manufacturing process. And there are a lot of companies who don't care about what they are doing there. Some are doing it meanwhile, try to make advertisement with that as well. Dell is one, but Dell came a little bit late. There was another company which is already doing that since quite some time. It's a German company called Fujitsu Siemens, which since more than 2 years is not using lead anymore in the notebook. And that is something we have to discuss as well. We can, of course, we have to discuss with the companies as well what they are doing. But we have, I think, to check our own attitude under which conditions we are buying certain products. And that's not only the electronics industry, that you can extend to other industries as well. And in the auto industry, just the discussion is coming up now after the publication of the report of this group on climate change. But why not bringing that discussion into the electronics industry as well? You want to just to answer? Yeah. No, I think that's quickly. Yeah, quickly. So quickly, I would say I would welcome any feedback, and we do have a lot of customers that ask questions, which I think is great. And for the ones who are interested in sending postcards, we've got 500 postcards now, and they've all been recorded. So everybody's aware that people have concerns of this area. So I also just want to add to the last comment with the ICC code, and does the code make a difference? And I would completely agree with the panel here. A code by itself doesn't make a difference if there's no awareness and no implementation. And that will be the next coming year's major focus, as to how you implement it, how can you do operationally change things and not just agree on things that needs to be done. Oui, je voulais juste réagir sur M. Schreier. Concernant le conservateur qui est toujours moins cher, je travaille pour la Fédération mondiale des consommateurs. Le consommateur est captif dans cette situation. Il y a 5 ou 6 entreprises qui se partagent le marché des ordinateurs. Il a besoin d'un ordinateur, il n'a pas forcément le choix de pouvoir choisir un produit plus éthique dans ce domaine. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à des niveaux de performance qui sont très satisfaisants pour tous ces produits et que maintenant, le consommateur se tourne aussi vers le côté plus éthique de la chose et commence à se poser des questions. Donc, c'est vrai qu'il va faire pression. On a pu voir aussi dans d'autres domaines, quand le consommateur a le choix, il y a quand même une partie des gens qui choisissent un produit un peu plus éthique qu'un autre. On le voit dans le café qui prend de l'ampleur, ou même le chocolat, ou d'autres produits. Donc, oui, c'est facile de remporter la faute sur le consommateur, mais dans cette situation, on est complètement collectif. Une question, madame. Bravo. Yes, my name is Jackie Lloyd. I read in the web that the organization ISO is implementing some standard 26,000 about social responsibility. I'd like to know if it's a tool to improve the social responsibility for the multinationals, and as well if it would improve as well these standard or another one, if it could improve the visibility for the consumers. So the ISO 26000 is a voluntary standard. I mean, I would not mind seeing it as a standard that you could certify yourself. This is just going to be a recommendation standard so that you can look what the standards you should look for in this area should be. So it will be a tool in the work, but it's nothing. If you compare to the other ISO certifications, you can often certify your company against it and have audits. This is not the way the 26,000 is going to be structured. However, it's not done yet, but what they've done is that they're basing it on a lot of other standards that exist already, among others the ILO conventions. Merci. J'ai une question qui est en fait tangentielle au thème de la soirée. Monsieur Foulon a parlé du grand trou de la carte de l'Afrique. Or, nous savons tous que l'Afrique est très active dans la société de l'information dans le domaine des services qui sont utilisés par les pays développés. Alors, je me demandais si dans ce domaine-là, il y avait des études qui avaient été faites comparables à l'étude que vous avez citée ici, sur les formes de contrôle de conditions de travail des gens qui, par exemple, au Ghana, au Nigeria, etc., fournissent des services à travers Internet, etc., comme la réponse aux questions d'amende à New York ou des choses comme ça. Est-ce qu'il existe quelque chose dans ce domaine? Pour Madame Wong, I think it's important because it's this the industry is not just manufacturer is just part of it. The other part has a lot to do with post sales service, right? And for example, and also in the logistic part. These are the two parts that are always overlooked. I would say. Yes, and we can think about campaign on the supporting the logistic workers. Should be. Is there a report comparable to? Not at the moment. Not at the moment. I am sure. Hello, good evening. I've been conducting research in the fall on codes of conduct and specifically on the EICC codes of conduct. And my first question is, how do you explain that core labor standards such as freedom of association and collective bargaining are not addressed properly in the EICC code of conduct, which seems to be form a central part of your policy in this matter? And you will probably say that because we operate in countries that don't afford protection of our freedom of associations to their employees. Well, in that case, what kind of alternatives do you offer to the workers, and what other projects do you have planned for the next years or the next short term so as to afford these workers with proper conditions according to the other core standards? questions. And I think it goes down to the whole EICC code, as you mentioned, is based on the ILO convention, and there has been the criticized with this part, and you kind of answered it as well as asking the questions, in the sense that the first part of the code was to make sure that we could implement it in areas where this was also a problem from a national point of view, or national legislation. But the code is going to be revised, and the code is constantly up for revision, and the next revision is in April. So this was what was mentioning here from Blondina, and we hope that this addition will come into the code in April. Before that, though, we've had in the implementation, the code is set in the code, but you can also implement, like you said, how do you work through this anyway? And this has been with setting up workers' councils or facilitate environmental health and safety groups in order to get awareness around the code and the rights. Moving for the future, and what's looking into the next year, will be the awareness on what Manina talked about, the bottom, you know, bottom-up discussion. We've had, since the 2004, had a lot of top-down information. This is the code. We are going to monitor. We're going to do self-assessment. We're going to do quarterly reviews on this and follow up that's in that sense. Now the discussion is, how can you get the information out from an awareness point of view, and how can you make it more a bottom-up approach? And here we will look for a lot of organizations and see what we can do. But that's the plan for the next year. On va prendre peut-être une dernière question, madame, et puis on va peut-être clore la discussion. Ça fait déjà plus d'une heure et demie qu'on est là. Good evening. My name is Bonnie Nixon-Gardner, and I'm with Hewlett Packard, and I appreciate this conversation. I know many of you, and I will be speaking as well tomorrow night. And so I just did want to make a few comments of things that I heard tonight. I think that, you know, it is the most important thing is what this gentleman Robert said, that consumers do have the power, and we do believe you should exercise it with your pocketbook and your wallet. And as companies, I think we do welcome the scrutiny and wish that even some of the methodology was better to compare all the companies. I know today only I saw, you know, the five or six top PC manufacturers, ourselves, Dell, Lenovo, Acer, Fujitsu, Siemens, and Toshiba. And, you know, we work with some of those companies and not with others. You can see on the EICC website or the JESSE website whether we're working together or not. And more importantly, you know, we have had this code in place for 3 years, as Monina said. There really isn't any excuse for those of us not to be implementing it. There are some very solid questions you can ask yourselves about how many suppliers we've been out there looking at, how many audits we've done, what kinds of problems we've had, and what we do about it. You know, we've been out to more than 300 factories, and these problems are very real. Over time, and over time excesses and wage manipulation, and these things are real in these developing countries, and we did go through these things ourselves as we developed, but that doesn't make it right. It doesn't justify exploitation. It doesn't mean that we as companies don't have the power. We do have buying influence. We absolutely do have purchasing power. And there's no question about the fact that when I walk into a factory and say, we will threaten this business, whether you're first tier, second, or third, they will move. They will act. So I would encourage you. I think there is a challenge with the Chinese and even Taiwanese-based companies. This is, in many ways, from a manufacturing perspective, a race to the bottom, and people are looking for cheaper products all the time. And the standards in many of these countries are more challenging for us to compete with when they're branding themselves. And so it's something to think about when you're buying things. And I just want to add on the ISO certification. You know, the certifications are, my experience in audits is they're not really worth a huge amount. I go in and often say, you know, see pictures of certifications up on the walls and they may as well have a painting because they've just paid for the certification and they still can't get down the hallway or out the fire exits or things like that. And so it's important that we still get out there. There's no silver bullet. We have to show up. We have to tell them it's important to us. And And we do have to make sure that workers are absolutely involved in every part of this discussion. I know for us at HP, we did strengthen the freedom of association provision and add collective bargaining, and we're working hard, as Lena said. We've added collective bargaining and parallel means. It's already on our code, but we're working hard within the EICC. It's 26 companies that are very diverse, and it's a long dialogue that's been taking a while, so we encourage you to continue to put pressure. Thank you. Est-ce que je pourrais peut-être vous poser une dernière question à Monina Wong sur, on a beaucoup parlé de la condition des travailleurs dans l'industrie, dans ce type d'industrie-là. Qu'est-ce que vous pensez que souhaiteraient en premier ces travailleurs? Quelle est la première chose qu'ils aimeraient changer? I can't say on their behalf. It's not a right thing to do. I think we have repeated a lot on this fundamental issue, which is lacking in the whole campaign and also in the whole industry's reaction, which is the voices of workers. And I won't pretend to be their voices. But I think do people here tonight do see the point, and I think we need for us what we need to do is to build a critical mass amongst ourselves, not as an individual consumers, but as institutional market power, because computers is not like a piece of garment. The companies that you work in, the universities that you teach in, and the government that we vote for, they all buy computers, right? And I think not only one, right? And I do believe that we need a critical mass so that we can sustain this campaign, so that it would not be like 2 years in this country, then 2 years in another country, and then we repeat ourselves and things are not changing. And it is important that you bring the message back, not only to your individual friends, but also to the people in your workplace, even trade unions who decide to buy the computers. I mean, we can start from there. It's a more systematic way of doing it. Right? At the same time, we express it. In this way, we link the labor part with the consuming part. It's in a full circuit. Right? And I think Dell has been under pressure enough for tonight, and it's not only Dell, although their model do play a very critical role in changing this business, but the other companies, they also should be highlighted and questioned. So thank you, good night, and good luck. Moi, je voulais vous remercier tous les intervenants de ce soir. Et si vous voulez en savoir plus, on a largement discuté de toutes ces questions. Il y a la brochure, bien sûr, qui a été écrite par le prochain Saint-Carême. Et puis, j'aimerais aussi remercier l'association des volontaires, des interprètes volontaires, c'est ça, qui a fait la traduction, l'interprétation ce soir. Voilà, merci à tous. Et très bonne soirée.